Les années de Annie Ernaux. Adaptation Sophie Lemp. Avec Ludmila Mikael, Marina Moncade, Jacques Gamblin. Cinquième émission. Sur cette photo en noir et blanc, au premier plan, à plat ventre, trois filles et un garçon. Seul le haut du corps est visible, le reste plongeant dans une pente. Derrière eux, deux garçons, l'un debout et penché, se détache sur le ciel. L'autre est agenouillé, semblant agacer l'une des filles de son bras tendu. En fond, une vallée noyée dans une espèce de brume. Au dos de la photo, cité universitaire, Mont-Saint-Aignan, juin 63, Brigitte, Alain, Annie, Gérald, Annie, Féride. Elle est la fille du milieu, aux cheveux coiffés en bandeau à la façon de George Sand, aux épaules larges et dénudées. La plus femme. Les deux filles qui l'entourent sur la photo appartiennent à la bourgeoisie. Elle ne se sent pas des leurs, plus forte et plus seule. À trop les fréquenter, à les accompagner dans les surbooms, elle a l'impression de déchoir. Elle ne pense pas non plus avoir rien de commun maintenant avec le monde ouvrier de son enfance et le petit commerce de ses parents. Elle est passée de l'autre côté, mais ne saurait dire de quoi. Derrière elle, sa vie est constituée d'images sans lien. Elle ne se sent nulle part, seulement dans le savoir et la littérature. Plus encore qu'un moyen d'échapper à la pauvreté, les études lui paraissent l'instrument privilégié de lutte contre l'enlisement de ce féminin qui lui inspire de la pitié. Cette tentation de se perdre dans un homme qu'elle a connu, confère photo de lycée 5 ans avant, dont elle a honte. Aucune envie de se marier ni d'avoir des enfants. Le maternage et la vie de l'esprit lui semblent incompatibles. Elle est sûre que de toute façon, elle serait une mauvaise mère. Son idéal est l'union libre d'un poème d'André Breton. Do it again. I may say no, no, no, no, but do it again. My lips just ache to have you take the kiss that's waiting for you. You know if you do, you won't regret it. Come and get it. Oh, no one is near. I may cry. Oh, oh, oh. Aucun rapport entre sa vie et l'histoire, dont les traces demeurent déjà pourtant fixées par la sensation de froid et le temps gris d'un mois de mars, grève des mineurs, de moiteur d'un week-end de la Pentecôte, mort de Jean XXIII. La phrase d'un copain, c'est la guerre mondiale dans 2 jours, la crise de Cuba. La coïncidence entre une nuit passée à un bal de l'UNEF et le putsch des généraux, Salan, Challes, etc. Le temps des événements, pas plus que celui des faits divers, elle méprise les chiens crevés, n'est le sien. Tout en image de soi. Dans quelques mois, l'assassinat de Kennedy à Dallas la laissera plus indifférente que la mort de Marilyn Monroe l'été d'avant, parce que ses règles ne seront pas venues depuis 8 semaines. L'arrivée de plus en plus rapide des choses faisait reculer le passé. Les gens ne s'interrogeaient pas sur leur utilité, ils avaient simplement envie de les avoir et souffraient de ne pas gagner assez d'argent pour se les payer immédiatement. Il s'habituait à rédiger des chèques, découvrait les facilités de paiement, le crédit Sofinco. Ils étaient à l'aise avec la nouveauté, tiraient fierté de se servir d'un aspirateur et d'un sèche-cheveux électrique. La curiosité l'emportait sur la défiance. On découvrait le cru et le flambé, le steak tartare, au poivre, les épices et le ketchup, le poisson pané et la purée en flocons, les petits pois surgelés, les cœurs de palmier, l'aftershave, l'obao dans la baignoire et le canigou pour les chiens. Les gens ne s'ennuyaient pas, ils voulaient profiter. La profusion des choses cachait la rareté des idées et l'usure des croyances. Des mouvements de déplacement parcouraient la société en tous sens. Les paysans descendaient des montagnes vers les vallées, les étudiants déportés du centre des villes montaient dans des campus sur les collines, partageaient à Nanterre la même boue que les immigrés des bidonvilles. Les rapatriés d'Algérie et les ménages d'Oès qui avaient quitté leur maison basse avec les cabinets dehors se retrouvaient ensemble dans les grands ensembles divisés en F, suivis d'un chiffre. Mais ce n'était pas d'être ensemble que les gens avaient envie, seulement du chauffage central, de murs clairs et d'une salle de bain. Le plus défendu, ce qu'on n'avait jamais cru possible, la pilule contraceptive était autorisée par une loi. On n'osait pas la réclamer au médecin qui ne la proposait pas, surtout quand on n'était pas marié. C'était une démarche impudique. On sentait bien qu'avec la pilule, la vie serait bouleversée, tellement libre de son corps que c'en était effrayant. Aussi libre qu'un homme. Les jeunesses du monde donnaient de leurs nouvelles avec violence. Elles trouvaient dans la guerre du Vietnam des raisons de se révolter, et dans les sans-fleurs de Mao, celles de rêver. Parce que les étés finissaient par se ressembler et qu'il était de plus en plus lourd de n'avoir souci que de soi, que l'injonction de se réaliser tournait à vide à force de solitude et de discussion dans les mêmes cafés, que le sentiment d'être jeune se muait en celui d'une durée indéfinie et morne, qu'on constatait la supériorité sociale du couple sur le célibataire, on tombait amoureux avec plus de détermination que les autres fois. Et un moment d'inattention au calendrier Ogino aidant, on se retrouvait marié et bientôt parent. La rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde accélérait l'histoire des individus. On finissait les études en travaillant comme pion, enquêteur occasionnel, donneur de cours particuliers. Avec l'emploi stable, les jeunes ménages ouvraient un compte bancaire, prenaient un crédit Kofremka pour s'équiper d'un réfrigérateur avec compartiment de congélation, d'une cuisinière mixte, etc. Les velléités d'insouciance, de vivre comme avant, une virée nocturne avec des copains, une séance de cinéma, s'épuisaient avec l'arrivée du bébé auquel, dans la salle obscure, en regardant le bonheur d'Agnès Varda, on ne cessait de penser, tout petit, seul dans son berceau, et vers lequel on se précipiterait en rentrant, soulagé de le voir respirer et dormir tranquillement, ses petits poings fermés. La mélancolie de voir s'éloigner un projet individuel, peindre, faire de la musique, écrire, se compensait par la satisfaction de contribuer au projet familial. Les après-midi de soleil, sur les bancs du jardin public, les jeunes femmes échangeaient des propos sur les couches, l'alimentation des enfants, en surveillant les jeux du bac à sable. Les bavardages et les confidences de l'adolescence, quand on se raccompagnait interminablement, paraissaient loin. Dans les déjeuners, auxquels, avec une anxiété et une fièvre de jeune ménage, on invitait la belle famille pour montrer qu'on était bien installé et avec plus de goût que les autres membres de la fratrie, après avoir fait admirer les voilages vénitiens, touché le velours du canapé, écouté la puissance des baffles, sorti le service de mariage, mais il manquait des verres, quand tout le monde avait réussi à se caser autour de la table, commenté la façon de manger la fondue bourguignonne dont on avait trouvé la recette dans elle, les conversations petites bourgeoises s'engageaient sur le travail, les vacances et les voitures, San Antonio, les cheveux longs d'Antoine, la laideur d'Alice Sapritch, les chansons de Dutronc. On n'échappait pas à la discussion pour savoir s'il était plus économiquement rentable dans un couple que la femme travaille au dehors ou reste à la maison. L'évocation de la guerre se rétrécissait dans la bouche des plus de 50 ans en anecdotes personnelles pleines de glorioles qui paraissaient au moins de 30 du radotage. La contraception effarouchait trop les tables familiales pour qu'on en parle. L'avortement, un mot imprononçable. On changeait les assiettes pour le dessert, assez mortifié que la fondue bourguignonne, au lieu des félicitations attendues, n'ait reçu qu'un accueil de curiosité, assorti de commentaires décevants, eu égard au mal qu'on s'était donné pour préparer les sauces, et un rien condescendant. Dans la réplétion qui épanouissait les visages de la nouvelle famille, le chantonnement de l'enfant qui voulait se lever de sieste, on était traversé par une impression fugace de provisoire. On s'étonnait de se trouver ici, d'avoir eu ce qu'on avait désiré, un homme, un enfant, un appartement. Sur la photo d'intérieur en noir et blanc, en gros plan, une jeune femme et un petit garçon, assis l'un près de l'autre sur un lit aménagé en canapé avec des coussins, devant une fenêtre au voilage transparent. Au mur, un objet africain. Elle porte un ensemble de jersey clair, twinset et jupe au-dessus du genou. Ses cheveux, toujours en bandeau sombre, dissymétrique, accentuent l'ovale plein du visage, aux pommettes remontées par un grand sourire. Ni la coiffure, ni l'ensemble ne sont conformes à l'image qu'on donnera plus tard des années 66 ou 7. Seule la jupe courte correspond à la mode lancée par Marie Kant. Elle tient par l'épaule l'enfant, aux yeux vifs, l'air éveillé, en pull à col roulé et pantalon de pyjama. La bouche ouverte sur de petites dents, saisie en train de parler. Au dos de la photo, rue de l'Auverchy, hiver 67. C'est donc, invisible ici, lui qui l'a prise. Lui, l'étudiant gamin et volage. Devenu en moins de 4 ans mari, père et cadre administratif dans une ville de montagne. Certainement une photo du dimanche, seul jour où ils peuvent être ensemble. Ou dans les effluves du déjeuner qui mijote, le babil de l'enfant assemblant des pièces de Lego, la réparation de la chasse d'eau avec en fond un disque de Bach, ils construisent leur mémoire commune et affermissent leur sentiment d'être tout compte fait heureux. La photo participe de cette construction, installe la petite famille dans une durée dont elle a constitué le gage rassurant pour les grands-parents de l'enfant, qui en ont reçu un exemplaire. À cet instant précis de l'hiver 67-68, sans doute ne pense-t-elle à rien, dans la jouissance de la cellule refermée sur eux trois, qu'un coup de téléphone ou de sonnette troublerait, de l'évacuation provisoire des occupations qui ont principalement pour objet le maintien de cette cellule. La liste des courses, la vérification du linge, qu'est-ce que tu fais ce soir à dîner? Cette prévision incessante de l'avenir immédiat qui complique le versant extérieur de ses obligations, son travail d'enseignante. Les moments familiaux sont ceux où elle ressent, pas ceux où elle pense. Ce qu'elle prend pour de vraies pensées lui viennent quand elle est seule ou en promenant l'enfant. Les vraies pensées ne sont pour elle ni les réflexions sur les façons de parler et de s'habiller des gens, la hauteur des trottoirs pour la poussette, ni l'interdiction des paravents de Jean Genet et la guerre au Vietnam, mais des questions sur elle-même, l'être et l'avoir, l'existence. C'est l'approfondissement de sensations fugitives, de sensations impossibles à communiquer aux autres, tout ce que, si elle avait le temps d'écrire, elle n'a même plus celui de lire, serait la matière de son livre. Dans son journal intime, qu'elle ouvre très rarement, comme s'il constituait une menace contre la cellule familiale, qu'elle n'ait plus le droit à l'intériorité, elle a noté « Je n'ai plus d'idée du tout. Je n'essaie plus d'expliquer ma vie. » Et je suis une petite bourgeoise arrivée. Elle a l'impression d'avoir dévié de ses buts antérieurs, de n'être plus que dans une progression matérielle. J'ai peur de m'installer dans cette vie calme et confortable, d'avoir vécu sans m'en rendre compte. Au moment même où elle fait ce constat, elle sait qu'elle n'est pas prête à renoncer à tout ce qui ne figure jamais dans ce journal intime. Cette vie ensemble, cette intimité partagée dans un même endroit, l'appartement qu'elle a hâte de retrouver les cours finis, le sommeil à deux, le grésillement du rasoir électrique le matin, le conte des trois petits cochons le soir, cette répétition qu'elle croit détester et qui l'attache, dont un éloignement momentané de 3 jours pour passer le CAPES lui a fait sentir le manque. Tout ce qui, quand elle en imagine la perte accidentelle, lui serre le cœur. Elle ne se rêve pas comme avant, sur la plage de l'été prochain ou en écrivain publiant son premier livre. Le futur s'énonce en termes matériels précis, obtention d'un meilleur poste, promotion et acquisition, entrée de l'enfant à la maternelle. Ce ne sont pas des rêves, mais des prévisions. Elle se retourne souvent sur des images de quand elle était seule. Elle se voit dans des rues de ville où elle a marché, dans des chambres qu'elle a occupées, à Rouen dans un foyer de jeunes filles, à Finchley au Père, à Rome en vacances dans une pension rue Servio Tullio. Il lui semble que ce sont ces moi qui continuent d'exister là. Le passé et l'avenir, en somme, se sont inversés. C'est le passé, non l'avenir, qui est maintenant objet de désir. Se retrouver dans cette chambre de Rome, l'été 63. Dans son journal, par un extrême narcissisme, je veux voir mon passé noir sur blanc et par là être tel que je ne suis pas. Et c'est une sorte d'image de la femme qui me tourmente. M'orienter peut-être par là. Entre ce qui arrive dans le monde et ce qui lui arrive à elle, aucun point d'intersection. Deux séries parallèles. L'une abstraite, tout en information aussitôt oubliée que perçue. L'autre en plan fixe. C'était un printemps pareil aux autres, avec un mois d'avril à gibouler et Pâques qui tombait tard. On avait suivi les Jeux Olympiques d'hiver avec Jean-Claude Killy, lu Élise ou la vraie vie, changé fièrement la R8 contre une berline Fiat, commencé d'étudier Candide avec les premières G, ne prêtant qu'une attention vague aux troubles dans les universités parisiennes relatées à la radio. Comme d'habitude, il serait réprimé par le pouvoir. Mais la Sorbonne fermait. Les épreuves écrites du CAPES n'avaient pas lieu. Il y avait des affrontements avec la police. Un soir, on a entendu des voix haletantes sur Europe numéro 1. Il y avait des barricades au quartier latin comme à Alger 10 ans plus tôt. Des cocktails Molotov et des blessés. Maintenant, on avait conscience qu'il se passait quelque chose et on n'avait plus envie de reprendre le lendemain la vie normale. On se croisait, indécis. On s'assemblait. On cessait de travailler sans raison précise ni revendication, par contagion. Parce qu'il est impossible de faire quelque chose quand surgit l'inattendu. Sauf attendre. Ce qui arriverait demain, on ne le savait pas et on ne cherchait pas à le savoir. C'était un autre temps. On voyait et on entendait ce qu'on n'avait jamais vu ni entendu depuis qu'on était né, ni cru possible. Des lieux dont l'usage obéissait à des règles admises depuis toujours, où n'étaient autorisées à pénétrer que des populations déterminées. Universités, usines, théâtres s'ouvraient à n'importe qui et l'on y faisait tout sauf ce pour quoi ils avaient été prévus. Discuter, manger, dormir, s'aimer. Il n'y avait plus d'espace institutionnel et sacré. Les profs et les élèves, les jeunes et les vieux, les cadres et les ouvriers se parlaient. Les hiérarchies et les distances se dissolvaient miraculeusement dans la parole. Les garçons et les filles étaient maintenant partout ensemble. La distribution des prix, les compositions et la blouse supprimées. Les notes remplacées par les lettres de A à E. Les élèves s'embrassaient et fumaient dans la cour, jugeaient à voix haute le sujet de rédaction débile ou génial. On expérimentait la grammaire structurale, les champs sémantiques et les isotopies, la pédagogie freinait. On abandonnait Corneille et Boileau pour Boris Vian, Ionesco, les chansons de Bobby Lapointe et de Colette Magny, Pilote et la bande dessinée. On faisait écrire un roman, un journal. Puisant dans l'hostilité des collègues qui s'étaient terrés en 68 dans la salle des profs et celle des parents criant au scandale parce qu'on faisait lire l'attrape-cœur et les petits-enfants du siècle, un surcroît de persévérance. On sortait des débats de 2 heures sur la drogue, la pollution, le racisme, dans une espèce d'ébriété, avec, tout au fond de soi, le soupçon de n'avoir rien appris aux élèves. Est-ce qu'on n'était pas en train de pédaler à côté du vélo? Mais l'école, de toute manière, servait-elle à quelque chose? On sautait sans fin d'interrogation en interrogation. Penser, parler, écrire, travailler, exister autrement. On estimait n'avoir rien à perdre de tout essayer. 1968 était la première année du monde. On ne se souviendrait ni du jour ni du mois, mais c'était le printemps. Seulement qu'on avait lu tous les noms, du premier au dernier, des 343 femmes. Elles étaient donc si nombreuses, et on avait été si seules avec la sonde et le sang en jet sur les draps, qui déclaraient avoir avorté illégalement dans le Nouvel Observateur. Même si c'était mal vu, on avait rejoint ceux qui réclamaient l'abrogation de la loi de 1920, et l'accès libre à l'avortement médical. On tirait des tracts sur la photocopieuse du lycée, les distribuait dans les boîtes à lettres la nuit tombée. On allait voir Histoire d'A. On conduisait secrètement des femmes enceintes dans un appartement privé où des médecins militants leur aspiraient gratuitement l'embryon dont elles ne voulaient pas. Un samedi après-midi, piétinant, des milliers sous le soleil, derrière des banderoles, levant les yeux vers le ciel uniformément bleu du Dauphiné, on se disait que c'était à nous d'arrêter, pour la première fois, la mort rouge des femmes depuis des millénaires. Qui donc pourrait nous oublier ? D'une enfance tendrement, je dis la laine. Le matin opaque me prenne pour racine. C'était Les années de Annie Ernaux. Adaptation Sophie Lemp. 5e émission. Avec Ludmila Mikael, Marina Moncade, Jacques Gamblin. Prise de son et mixage, Philippe Carminati. Assistance technique et montage, Mathieu Leroux. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Étienne Vallès. Je rirai la dernière. Les années de Annie Ernaux est publié aux éditions Gallimard.